Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Chaque année, j'aime aller au festival Curieux Voyageurs pour cueillir les expériences de vie des voyageurs. Cette année, mon regard a été attiré par le look d'un homme enturbanné avec une magnifique barbe blanche. Il offre aux visiteurs une drôle de boisson appelée Yogi Tea. Il était là à l'occasion de la projection du film Sadhu de Gaël Métrose. Malgré les apparences, cet homme est originaire des Alpes. Dans une autre vie, Atma Singh s'appelait Olivier et était membre de l'équipe de France de ski de fond. Sa rencontre avec l'Inde et le yoga lui ont permis d'être ce qu'il est aujourd'hui. Mais qui est-il ? Bon, alors mon nom c'est Atma Singh. Et alors le lien tout de suite avec le film Sadhu, je ne sais plus comment ça s'est fait, mais j'ai eu à sponsoriser la première du film Sadhu aux Champs-Élysées à Paris, il y a 2 ans ou 3 ans. Et donc j'avais rencontré Gaël Métro, le réalisateur, que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Et là, je ne sais pas encore comment, par quel hasard, j'ai été contacté par Laure, qui m'a parlé du film Sadhu à Saint-Étienne. Et j'ai dit, ah oui, bah comme je suis à Grenoble, c'est pas loin, je veux bien venir servir le thé, ça me fait plaisir. Alors, tous les sikhs, tous les hommes sikhs s'appellent Singh, qui veut dire lion. Les femmes s'appellent Kaur, qui veut dire princesse. Ma femme s'appelait Atma Kaur. Et Atma, ça veut dire l'âme. Voilà. Atma, vous connaissez parce qu'il y a plein de termes avec l'âme. Et par exemple, Gandhi, on l'appelait le Maha, la grande âme, Mahatma. Oui, il se trouve que mon père travaillait à l'étranger, donc j'avais déjà côtoyé l'Orient quand j'étais assez jeune. Et sinon, les noms spirituels sont donnés par le maître. Mais même si vous faites vos études de médecine, votre professeur de thèse, à la fin, vous donne un nom. Voilà, vous changez de nom. Voilà. Et donc moi, c'est mon professeur de yoga qui s'appelait Yogi Bhajan qui m'a donné le nom de Atma Singh. On est où et en quelle année ? Quand il me donne mon nom Atma Singh, ça devait être en 93 et aux États-Unis. Et le rapport avec l'Orient ? Le rapport avec l'Orient, en fait, le yoga vient de l'Orient, mais il y a plus de pratiquants du yoga à Los Angeles qu'à New Delhi. Hein. C'est ce qu'on a du mal à comprendre. Oui, effectivement, le yoga, ça vient d'Inde. Mais c'était transmis que parmi les yogis. Hein, l'Inde, c'est le pays des castes et de différentes traditions. Et c'est simplement avec l'époque des hippies dans les années 60 que le yoga s'est diffusé en Occident. Mais vous, votre rencontre avec le yoga, c'est en Occident ou c'était à l'époque, enfant, quand vous voyagiez avec vos parents ? Non, alors enfant, j'ai vu beaucoup de pèlerinages avec des choses incroyables, des gens qui s'enfoncent les poignards dans la peau ou des choses comme ça. Mais bon, c'est pas vraiment du yoga, c'était plus des fêtes religieuses et très ésotériques. On est où là ? On est en Inde ? Là, la plus impressionnante, c'est au sud de Ceylan, à le pèlerinage de Kataragama. Ça devait être en 74, je devais avoir 13-14 ans. Et sinon, non, le yoga, pour moi, ça a commencé aux États-Unis. So, that's the start of area here, especially in the Changwon River, during 6th century, when the holy Hindu came from India, brought the Hinduism. A lot of his people was not in the good condition after opening the jungle. The second journey, visiting here. Thank you. Alors ben, moi je suis français de famille française, mon père est français des Pyrénées, ma mère était de Grenoble, des Alpes, voilà, je suis complètement français malgré que j'ai beaucoup voyagé. C'est quoi le voyage? Qu'est-ce que ça représente dans votre itinéraire de vie? Alors le voyage, bon, j'ai toujours vu mon père voyager et on le suivait parce qu'il était ingénieur, il allait construire des barrages un peu partout. J'ai ensuite beaucoup voyagé moi-même pour faire du sport de haut niveau. Donc j'ai aussi travaillé à l'étranger, aux États-Unis. Toutes ces dernières années, je voyage plus trop. Moi aussi, je vais en Inde, bien entendu, mais je voyage beaucoup moins que quand j'étais jeune, en fait. Bien entendu en Inde. Pourquoi bien entendu en Inde? Bien entendu en Inde parce que vous l'avez vu, vous l'avez décrit, ça se voit pas bien à la radio, mais j'ai un turban et une barbe. Donc je suis de religion sikh. Et donc forcément, comme les catholiques vont à Lourdes ou à Rome, moi je retourne à Amritsar, dans le Punjab, au nord-ouest de l'Inde. Qu'est-ce que c'est être sikh? Qu'est-ce que c'est comme religion? Alors au départ, c'était pas une religion, c'était un style de vie. Alors le mot sikh, ça veut dire disciple. Le fondateur de la foi sikh, il est né en 1469, c'est juste pour donner un repère historique. Donc c'est assez jeune, c'est assez récent. À l'époque, il y avait les musulmans et les hindous en Inde, et il y avait beaucoup de conflits. Et lui, il a simplement dit, il n'y a ni musulmans ni hindous, tout le monde est égal, et il n'y a pas de caste. Et d'ailleurs, on va manger un repas les uns assis à côté des autres, alors que quand il y a les castes, les gens ne mangent pas ensemble. Et donc, ça a plu aux gens d'être ni musulmans ni hindous. Et ils ont commencé à suivre Nanak, c'était le nom de cette personne. Et ils étaient des disciples de Nanak, donc des sikhs. Voilà. Et c'est comme ça qu'a démarré le sikhisme. Et après, il y a eu toute une évolution qu'on pourrait raconter pendant une heure. C'est devenu, avec l'histoire des hommes, malheureusement, entre guillemets, une religion avec tous ses dogmatismes. Voilà. Alors qu'au début, c'était simplement un style de vie. Mais quand on parle de style de vie, c'est vrai que ça m'intéresse. On connaît ce terme, sikh, mais on sait pas, je ne savais pas du tout. Je pensais que ça venait de l'hindouisme. Mais alors non, pas du tout. C'est vraiment sortir des cases, sortir des castes et recréer un mouvement qui fédère un petit peu les hommes en tant qu'être humain. Ah oui, c'est le contraire des castes. Hein. Les castes, il faut savoir que c'est très prégnant en Inde. Moi, je me rappelle, mon père s'est fait avoir une ou deux fois à inviter des collègues de boulot à dîner à la maison. Et sans savoir, parce que bon après on faisait plus la gaffe, mais de gens qui n'étaient pas de même caste. Donc les gens restaient tous à l'apéritif. Et puis juste au moment de passer à table, la caste inférieure partait, quittait la maison. Voilà. Donc ça c'est... Et les sikhs, dans les sikhs, il y a une égalité homme-femme, en théorie. Hein, il n'y a pas de caste. Et il n'y a ni musulmans ni hindous. Et d'ailleurs, les temples sikhs ont quatre portes, une à l'ouest, une à l'est, une au sud, une au nord, pour dire que c'est l'ouverture sur toutes les autres religions. Voilà, c'est inspiré un peu du soufisme musulman, où Dieu est sans forme, il est partout. Et d'ailleurs, Dieu, c'est vous, il est en vous. Voilà. Donc le sikh, c'est vraiment une religion nouvelle. Mais est-ce qu'avant d'être religion, c'était quoi? C'était une philosophie? Donc on parlait de mode de vie? En fait, donc, il y avait deux grandes religions en Inde. Il y avait les hindouistes, qui étaient hindous de père en fils sur le continent indien. Et puis il y avait toute l'invasion musulmane par le nord de l'Inde. Et l'islam, par contre, c'est une religion de conquête et les gens se convertissaient à l'islam. Alors, plus ou moins en force. Voilà. Et donc ces deux religions étaient bien présentes donc au 15e siècle, début du 16e siècle. Et il y avait ces conflits. Non, Nanak, il n'a eu aucune ambition au début. Et il a simplement eu cette idée de dire il n'y a ni musulmans ni hindous, Dieu est partout. Et pour prouver ça, on va de manière fraternelle manger un repas, les uns assis à côté des autres. Et ce repas, ça s'appelle le langar. Et d'ailleurs, quand vous allez dans un temple sikh, le temple sikh le plus célèbre, c'est le Golden Temple qui est à Amritsar. Eh bien, vous allez vous prosterner. Et à la sortie, on vous sert un repas gratuitement, mais que vous soyez touriste américain, n'importe quoi. Voilà. Et au Golden Temple, ils servent chaque jour à peu près 40 000 repas gratuits. Et les jours de fête, c'est 300 000 ou 600 000 repas. C'est très impressionnant à voir. Et donc les cycles, le style de vie, donc c'est pas une religion du renoncement. Donc les gens sont, ils ont un travail, ils sont père de famille et on gagne sa vie à la sueur de son front. Contrairement ce soir, on va voir le film Sadhu, où là il y a les sadhus, ce sont des gens qui vivent de renoncement. Ils ont été avocats ou médecins ou ingénieurs. Ils décident de tout abandonner et de partir sans rien dans les poches, sur les routes, et de mettre leur ego plus bas que terre à vivre de la mendicité. Voilà, donc ça c'est les sadhus. Les sikhs, au contraire, on travaille. D'ailleurs, dans le Punjab, la région des sikhs, il n'y a pratiquement aucun mendiant. Parce que si quelqu'un ne peut pas travailler parce qu'il n'est pas très fut-fut ou il a une infirmité, il est pris en charge par sa famille. Voilà. Est-ce qu'il y a une divinité, comme dans l'hindouisme ou dans l'islam ? Ah non, non, dans le sikhisme, par principe, il n'y a aucune divinité. Donc quand on va dans un temple sikh, il n'y a pas de représentation d'un dieu ? Alors non, il n'y a pas de représentation d'un dieu. Alors, il y a un livre, le deuxième gourou, donc, qui était le premier disciple de Nanak, en Gade, ils ont commencé à compiler dans un livre les paroles de Nanak, et ensuite, il y a un livre qui s'est créé. Il y a eu 10 gourous, hein, et le 10e gourou, il a dit il n'y aura pas de successeur à moi, le gourou, ça va être le livre. Voilà, il avait compris qu'il ne fallait pas que ce soit personnifié dans quelqu'un, que ce n'était pas très bon, donc il a dit que c'était un livre. Et le livre est très très sacré. Voilà, donc les gens, ils vont dans le temple. Le livre, il est énorme, hein, ils lisent des bouts du livre, et puis ils ressortent, ils vont manger le repas. Atma Singh, et quelle est votre histoire ? Comment vous avez choisi de devenir sikh ? Bon, ça s'est fait en plusieurs temps. Hein. Bon, j'ai eu plusieurs expériences. Et ça m'a... en 88, donc j'ai relu la Bible deux fois, le Coran, enfin voilà. Et c'est simplement, complètement par hasard, en tombant sur ce qu'on appelle le Japji, qui est une des prières des sikhs, qui était traduit en français, que j'ai eu le truc, ah ben oui, c'est ça, voilà, je suis sikh. Ça m'est arrivé un matin en août 93. Et donc là, on décide, en se levant, de devenir sikh. Et donc, qu'est-ce qui va changer dans sa vie ? Ben, pour moi, ça a été très confrontant. Hein. Je me suis dit, ah non, non, non, pas les sikhs, donc c'est en 93. Et ça m'a pris 6 ans d'accepter ça et de me faire pousser la barbe, laisser pousser les cheveux, et voilà. Donc il y a une longue maturation. Ok, donc il y a aussi une notion d'apparence. Quand on est sikh, on a la barbe, le turban, c'est quelque chose pour se reconnaître ? Ou quel est l'intérêt finalement ? Quelle est la croyance derrière la barbe et les cheveux ? Ah ben les principes du sikhisme, effectivement, c'est qu'il y a une apparence et on projette à l'extérieur qu'il y a une spiritualité. C'est le bana, on appelle ça le bana. Le bani, c'est la parole, voilà. Et contrairement à la société occidentale, et on ne peut pas distinguer si ce monsieur-là, est, en fait, il est juif, catholique ou protestant. Non, le sikh, la religion, est extériorisée. Voilà. Le lien avec le yoga, parce qu'on est là, il y a le yogiti ce soir au festival. Le yoga est pratiqué par les sikhs ou c'est simplement un outil de bien-être, de développement personnel que vous avez choisi de pratiquer parallèlement ? Les sikhs ne pratiquent pas le yoga. Comme j'ai dit déjà tout à l'heure, paradoxalement, il y a très peu d'Indiens qui font du yoga. Bon, même si maintenant, ils ont nommé un ministre du yoga il n'y a pas longtemps et que le yoga va revenir en Inde petit à petit. Le yoga et le sikhisme, ce sont deux voies parallèles. Je fais du yoga comme avant, je faisais du ski à haut niveau. Je suis arrivé au yoga plus en tant comme un sportif, voilà. Et le sikhisme, c'est autre chose, voilà. Et le thé ? Alors le thé, oui, par contre, ça vient du yoga. Donc le yogi tea, ça vient d'amis qui pratiquaient le yoga, donc qui étaient des ex-hippies, qui avaient créé le yogi tea, et nous, on vendait le yogi tea dans l'association de yoga. Ouais, le yogi tea, ça a été créé à Hambourg, en Allemagne, par une amie qui a une dizaine d'années de plus que moi. Donc, il y avait une association de yoga en Espagne, une en France, une en Italie. Et ces associations achetaient le yogi tea à l'ashram, à l'association de yoga de Hambourg, et on le revendait. Et en fait, on n'avait aucune idée qu'un jour, ça allait devenir un business. Hein, d'ailleurs, et c'est simplement pour la France, la trésorière de l'association disait « Ah ouais, on ne peut pas faire de commerce dans l'association. » On faisait 6 000 francs de chiffre d'affaires à l'époque, à l'année. voilà, qui a dit ah, ça serait bien de créer une société. Alors moi j'ai dit, je suis juriste, si vous voulez, je vous crée une SRL. Et donc on a créé la SRL Golden Temple France en 94. Voilà. Et ensuite, de toute façon, même pendant 10 ans, moi j'avais un autre travail à côté, on n'a toujours pas gagné d'argent. Et ça a progressé petit à petit. Comme tout le week-end, on servait le thé pour faire connaître aux gens. Voilà. Et maintenant, c'est devenu un très très gros business, au point qu'on arrive à sponsoriser des films. Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Namaste, Nama Donc comment ça se passe aujourd'hui? Comment est-ce qu'on choisit ces thés? Est-ce qu'il y a un lien avec les producteurs? Est-ce qu'on va toujours tout acheter à Hambourg? Ou quel est le process aujourd'hui quand on va tremper son sac de thé dans sa tasse d'eau? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Dès le départ, dans les années 70, il a toujours été question de... Le concept d'épices biologiques n'existait pas, ça devait être des épices naturelles, même pas de plantation. Et les fondateurs du Yogiti, bon, c'était des activistes, hein, anti-nucléaire, anti-guerre du Vietnam, accouchement de missiles, bon, c'était vraiment des purs et durs, des vrais hippies. Et ils ont été, en fait, Yogiti, ça a été la première entreprise au monde, toute industrie confondue, à requérir des épices sans pesticides bio. Et donc au début, ça allait parce qu'il n'y avait que le Yogiti classique. Il s'agissait que de 5 épices. La cannelle, la cardamome, le gingembre, le clou de girofle et le poivre noir. Et maintenant, Yogiti, on est devenu une énorme gamme avec plein d'infusions médicinales. Et trouver les épices bio, c'est vraiment très, très, très, très difficile. C'est de plus en plus difficile parce que le marché de la bio a explosé. Ça vient de pays en voie de développement. Donc les épices sont vendues plus chères. Donc c'est très, très tentant pour ces pays de se faire certifier bio en donnant un petit bac chiche à l'administration locale. Donc on est obligé de faire beaucoup de tests maintenant pour les pesticides et les métaux lourds. C'est pas évident d'être une entreprise de la bio. Il y a une très grosse barrière à l'entrée sur le sourcing. Donc, il y avait le Yogiti classique, donc là c'était simplement le thé aux épices, un peu comme le chai, c'est ça qu'on retrouve en Inde, mais après ça s'est vraiment développé et de plus en plus de pays ont commencé à importer des épices avec ce cahier des charges, tu parlais de sourcing, toujours essayer de trouver des produits ou des choses qui sont produites en bio. Oui, alors ensuite, dans les années 90, on a développé tout un tas de recettes médicinales, ayurvédiques, qui sont indiennes, mais paradoxalement, comme l'Inde s'est très polluée, l'Inde n'était absolument pas orientée agriculture bio, il y a pratiquement aucune épice qui venait d'Inde. On a lancé des projets en Indonésie avec Thomas Flick, c'était le début du fair trade. Le gouvernement indien, ça c'était au début des années 90, lui était très favorable à l'agriculture bio, alors que le gouvernement indien ne voulait pas en entendre parler. Voilà, donc on avait développé des choses pour la cannelle et le gingembre en Indonésie. Il y avait aussi une histoire d'érosion du sol, de reforestation avec nos cultures d'épices. Donc aujourd'hui, on doit prendre plus de la moitié de la production de cardamome bio mondiale. Donc ça vient plutôt d'Amérique du Sud, centrale, quoi, Guatemala. Voilà, il y a aussi des plantes qui viennent d'Europe, hein, d'ailleurs, hein, d'Autriche, d'Allemagne, de France. Il n'y a pas que des plantes exotiques. Ce que je trouve super intéressant, étonnant aussi, c'est que donc Yogiti est devenu une grosse machine aujourd'hui, avec des capitaux, avec des quantités de thé vendues un peu partout en Europe. Et c'est Atma Singh, hein, qui est plus ou moins à l'origine, donc vous. Et vous êtes là ce soir à le servir. Comment ça se fait que ce soit vous, un des fondateurs, qui soyez là sur une soirée à Saint-Étienne pour servir le thé et l'offrir? Alors, moi, je ne suis pas du tout le fondateur. Hein. C'est les gens qui ont fondé la marque Yogiti. Ce sont les hippies qui ont une dizaine d'années plus que moi. Moi, je suis fondateur de ce qui s'est passé en France. Et effectivement, sur l'Europe, je suis le dernier des yogis en activité parce que au niveau ressources humaines, à Hambourg, on a dû embaucher des gens compétents, un comptable compétent. Bon, on ne trouve pas toujours un comptable qui fait du yoga. Le directeur commercial, c'est quelqu'un de très compétent, mais il vient de Unilever, voilà, et ainsi de suite. La responsable marketing, elle vient de Smarties, Sonia, voilà. Donc, comment je sers le thé ce soir? Parce que j'ai toujours fait ça et j'en prends un grand plaisir. Alors, toute la journée, j'ai fait du juridique, du tableur Excel, de la gestion d'entreprise, mais le week-end, j'adore servir le thé et... Ici, comme je vous l'ai dit, ils servent la nourriture gratuitement aux autres. Donc ça fait partie de la tradition d'offrir le Yogiti. Et c'est ce qui a fait le succès du Yogiti. Hein. On sert ça dans tout un tas d'événements. J'ai servi énormément dans des manifestations spirituelles, notamment quand Saint-Étienne Dalai Lama venait. que ce soit en France ou en Italie. On le sert dans beaucoup de manifestations sportives l'hiver, parce que l'hiver il fait froid, il faut une boisson chaude. Donc on est très très implanté dans le milieu des sportifs. Voilà, et puis le film Sadhu, bon ben voilà, ça vient d'Inde. C'était tout un naturel de venir servir ce soir. Quand on prend son tea bag, son sachet de thé Yogi Tea, il y a une phrase qui est notée dessus. Comment est née cette idée et quel type de phrase on va pouvoir trouver? J'aimerais que vous en citiez quelques-unes. Alors, toutes ces phrases, elles sont extraites des enseignements de Yogi Bhajan, qui était notre professeur de yoga, qui était quelqu'un qui parlait beaucoup, qui avait un verbe pas possible, qui avait toujours ces phrases qui construisait avec des jeux de mots. Bon, la plus célèbre, je vais la dire en anglais, « If you don't see God in all, you don't see God at all. » Donc, si tu ne vois pas Dieu dans tous, tu ne vois pas Dieu du tout. Donc, il faut bien comprendre que Dieu est partout, et y compris dans le collègue de travail qui vous agace, c'est la même âme, ça aurait pu être vous, c'est lui, enfin voilà. Donc ça, c'en est une qui est très célèbre. Y en a plein, je peux vous en citer une autre. When there is love, there is no question. Donc quand il y a de l'amour, il n'y a pas de question. Donc quelqu'un qui vous demande de manière émotionnelle, est-ce que tu m'aimes? Bon, enfin, c'est qu'il y a un problème. Et donc sur chaque paquet de chaque sachet de thé, on retrouve une phrase. On avait mis ça un peu comme ça. Sur les paquets de Yogi Tea, il y a des exercices de yoga. Et sur les petites étiquettes, il y avait ces phrases de Yogi Bhajan. Bon, on avait mis ça comme ça, mais c'est vraiment devenu maintenant notre marque de fabrique. Les gens achètent le thé pour ça, en fait, à cause de ces petites phrases. C'est amusant. Je vais peut-être revenir à cette phrase. If you don't see God in all, you don't see God at all. Voilà. What is God? Qu'est-ce que c'est Dieu? Qui est Dieu? Quand on parle de Dieu, il y a tout de suite la religion qui arrive derrière. Mais nous, c'est pas du tout ça. Le problème, c'est que les gens, justement, ils se sont mis une religion entre eux et Dieu. Alors qu'en fait, Dieu, c'est vous. Et il faut vous connecter à votre propre infini et vous allez trouver Dieu. Voilà. De toute façon, toute la littérature, c'est plein d'histoires de gens qui vont chercher Dieu, chercher la conquête du Graal, hein, c'est tout ça. Enfin, voilà. Et pour finalement s'apercevoir que Dieu est en eux et qu'ils ont cavalé pour rien. Et on va terminer par une dernière phrase que vous aimez bien. Une phrase que vous avez envie de partager avec nous. On va rester sur de l'amour, hein, ça fait plaisir, toujours plaisir aux gens. Il y en avait une autre, love for no reason. Aimer sans aucune raison, sans aucun intérêt. Voilà. Merci beaucoup. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.